30 fois plus. En 2020, il y a eu 30 fois plus de consultations médicales à distance. Et notre rôle, au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans cette évolution, avec la solution simple et sécurisée de e-paiement par SMS de notre partenaire PayMed. Vous pratiquez la télémédecine, passez au télépaiement. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Service distribué par PayMed, détails et conditions sur paymed.pro. Les aventures de Tintin par Hergé, adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les bijoux de la Castafiore. Troisième épisode. Voulant fuir l'arrivée de la Castafiore à Moulinsart, le capitaine Haddock a trébuché dans l'escalier et s'est fait une entorse. Désormais immobilisé par un plâtre et obligé de cohabiter avec Coco, le perroquet taquin que lui a offert la cantatrice, le capitaine a demandé à Tintin de lui trouver un fauteuil roulant afin de pouvoir échapper au tumulte du château. Mais les malheurs semblent vouloir le poursuivre jusque dans le parc. Cher ami. Bonjour, madame Castafiore. Oh, vous cherchez le capitaine O'Clock, sans doute. Vous le trouverez à la roseraie. Le pauvre, il a été piqué au nez par une guêpe. Oh. Merci, je vais le voir tout de suite. Une piqûre de guêpe sur le nez. Le pauvre. Ça doit être horriblement gênant. Ah, allons bon, encore un drame. Que se passe-t-il? Oh, c'est vous! Voyez l'affreux malheur qui m'arrive! Mon collier vient de se casser! Ne vous désespérez pas, madame. Les perles n'ont pu rouler loin. Nous les retrouverons toutes. Je suis là, madame! Ah, vous voilà enfin, ma fille! Il y a un quart d'heure que je vous appelle. Vous auriez pu aider monsieur à ramasser mes perles. Tenez, madame. Je crois qu'il n'en manque aucune. Oh, je vous remercie infiniment, mon jeune ami. Ce n'est pas que ce collier-ci est une grande valeur, ce n'est qu'un bijou de fantaisie. Mais il est de Tristan Bior. Et Tristan Bior, on dira ce qu'on veut, c'est toujours Tristan Bior. Évidemment. Et vous, ma fille, qu'attendez-vous pour les enfiler sur le collier? Oui, oui, madame, oui. Maintenant, Milou, allons voir comment va le nez du pauvre capitaine. Sans vouloir vous faire de reproches, capitaine, pourquoi leur avez-vous parlé de ma rose? Eh bien, capitaine... Quoi, votre rose? Comment vous sentez-vous, madame? Votre rose? Allez-vous bientôt me laisser tranquille avec votre rose? Si on ne m'en avait pas fourré une sous le nez, mille sabords, je n'aurais pas en ce moment un pif comme un feu rouge! Pardon, Blanche. Excusez-moi, madame, n'auriez-vous pas vu mes ciseaux de couture? Vous savez, les petits ciseaux dorés... Qu'en aurais-je fait, ma fille? Ce n'est pas à moi de veiller sur vos affaires. Sûrement pas, madame. C'est curieux, je les avais encore tout à l'heure quand vous m'avez appelé la première fois. Et revenu à mon banc, je ne les ai plus retrouvés. Eh bien, cherchez mieux, ma fille. Ils ne se sont tout de même pas envolés, vos ciseaux, non? Bien sûr, madame. Pendant ce temps-là... Des petits ciseaux tout en or. N'est-ce pas qu'ils sont jolis, oncle Matteo? Magnifique, Mirka. Trois jours ont passé. Allô, je suis bien chez Monsieur Boulu? Ah, c'est Madame Boulu. Ici le capitaine Haddock. Ah, C'est monsieur du château. Dis-lui que je suis pas là. Non, il est parti depuis ce matin. Ah, il vous avait promis d'aller chez vous. Ah. Non, je suis pas au courant. Je le lui dirai, monsieur. Oui, sans aucune faute, monsieur. S'il n'est pas ici demain, tonnerre de Brest, j'en fais venir un autre. Quoi encore ? Allô ? Allô ? C'est toi, vieux flibustier ? Ici, Séraphin. Toutes mes félicitations, mon cher. Sacré farceur, là. T'as bien caché ton jeu. T'as bien caché mon jeu ? Moi ? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Et toujours la même cachotière. Allons, ça va, hein. Inutile de faire la bête. Je tenais à être le premier à te congratuler. Mais pour l'assurance. Que ta castagnette ne s'en fasse pas, j'ai dû partir en province ces jours-ci, mais je ne perds pas la chose de vue. Je viendrai à T4 matin. Allons, vieux frère. À la voyure. Et encore une fois, proficiat. Je... Qu'est-ce qu'il voulait, ce casse-pied, avec ses félicitations ? Bah, n'y pensons plus. Une bonne pipe maintenant. Et les journaux. Allons, bon, quoi encore ? Un télégramme pour vous, monsieur. Un télégramme ? Ainsi que le nouveau Paris Flash. Merci, Nestor. Voyons ce télégramme. Ah, ça, 1 000 millions de mille sabords, qu'est-ce que ça signifie ? Un problème, capitaine ? Lisez ça. Et dites-moi si vous y comprenez quelque chose. Ce casse-pied de Lampion vient de me téléphoner pour me féliciter lui aussi. Ah ? Sincère félicitations, signé capitaine Chester. N'est-ce pas que c'est bizarre ? En effet. Allez, rien de tel que Paris Flash pour se changer les idées. Quoi ? Qu'a-t-il ? Regardez. Exclusif. Bianca Castafiore, le rossignol milanais, va épouser un vieux loup de mer. C'est à Gand, joyau des Ardennes belges, célèbre dans le monde entier pour ses champs de tulipes, que Bianca Castafiore a rencontré son futur mari, l'amiral en retraite, Haddock. Ils ont oublié un dé. Nos reporters sont allés à Moulinserre et en ont rapporté pour vous ces images de bonheur, tonnerre de Brest. Le perroquet qu'elle lui a offert est devenu le confident de ses pensées. Mélomane averti, il ne se lasse pas d'entendre la voix d'or chanter pour lui seul son grand succès, l'air des bijoux de Faust. 1 000 millions de mille sabords si je tenais le bougre d'extrait d'hydrocarbure qui a pondu ses calambres d'aine. Et toi, prends ça, perroquet de malheur. Buongiorno, Tintin. Buongiorno, cher capitaine Cornac. Avez-vous vu les magnifiques articles que Paris Flash m'a consacrés ? Vous appelez ça un magnifique article ? Annoncer ainsi notre mariage ? Ah oui, très drôle, n'est-ce pas ? Mais c'est sans aucune importance. Les journaux m'ont déjà fiancé successivement au Maharaja de Gopal, au baron Al-Masoud, chef du protocole à la cour de Sildavi, au colonel Sponce, au marquis de Gorgonzola, et j'en passe. Alors, vous comprenez, je suis habituée. Eh bien, moi pas, madame. Et je... Alors ? Ici Dupont avec D. Et Dupont avec T. Nos meilleurs bœufs de... Nos meilleurs meufs. Non, enfin, en un mot, toutes nos félicitations, capitaine. Nous venons de lire Paris Flash et... Ah, oh, le diable les emporte. Tiens, c'est curieux, pas une ligne sur ma rose. Mais... Oh, ça par exemple... Ça par exemple. Cher ami, cher vieil ami, toutes mes félicitations. Oh, quelle joie pour moi d'apprendre cette bonne nouvelle. Mais pourquoi nous l'avoir cachée si longtemps ? D'autres télégrammes, monsieur. Et que monsieur me permette de lui adresser moi aussi mes respectueuses félicitations. Félicitations, boucherie sans eau. Toutes nos félicitations, monsieur et madame Boulu. Sincères félicitations, docteur Rotul. Mes plus enthousiastes félicitations, Oliveira da Figueira. Vive félicitations. Allô, oui ? Oui ? Un instant, monsieur. C'est la télévision, monsieur. Il demande si... La télévision, à présent ? Ah non, qu'on fiche la paix. Je me refuse à faire le zouave devant leur caméra. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais ni de si. Les journalistes, moi, j'en ai par-dessus la tête. Dites-leur carrément que je ne suis pas là. C'est que, monsieur, c'est à madame Castafiore qu'il désire parler. À moi ? Vous ne pouviez pas les dire plus tôt, mon pauvre garçon ? Allô, j'écoute. C'est moi-même. La télévision ? Oui ! Bah oui, avec plaisir. Quand ? Demain ? Bien entendu. Oui, oui. À demain. Oh, ils sont à ce moment. Mais que voulez-vous? Ils seront ici demain après-midi. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Attendez, j'ouvre. Je me demande par qui ces journalistes ont appris des choses que l'on me cache à moi. Oh, une ovale! Quelle idée charmante! Chère madame, cher capitaine Haddock, c'est d'une main qu'une émotion légitime fait trembler que je prends la parole au nom de la société Les Amis de la Fanfare de Moulinsart pour vous exprimer la joie de tous vos concitoyens à l'occasion du Comme grand c'est événement. Adorable. Il faudrait leur offrir une coupe de champagne. Quoi? Du champagne? Ça... Quelques verres plus tard... Et le lendemain après-midi, on va mettre les deux fauteuils ici au centre. Et toi, avec ce projet-là, tu t'apprends au plafond. Tonnerre de bosse. Une véritable invasion barbare. Aïe, oh pardon. Mieux vaut ne pas rester ici. Chère madame, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Il s'agit d'une émission en différé. Ah, très bien. Mais nous parlerons plus à l'aise sur ce divan. Voilà. J'apparais à la première séquence et je dis quelques mots pour présenter l'émission. Ensuite, je vous pose une première question et les caméras se braquent sur vous. À partir de ce moment, on ne m'entendra plus que off. Ah ! À la fin de cette séquence, je vous demanderai si vous consentez à chanter quelque chose spécialement à l'intention de nos téléspectateurs. Avec plaisir, naturellement. Merci. Pour la seconde séquence, vous vous dirigez lentement vers le piano où votre accompagnateur vous attend et vous chantez. Que chanterez-vous, madame? Mais je ne sais pas. L'air des bijoux de Faust, par exemple. Parfait. Ensuite, eh bien, l'émission se terminera par quelques mots de remerciement. Charmant. Pendant ce temps... La télévision, hey, Gino, mon vieux, c'est le moment jamais. Tu vas entrer, te mêler à tous ces gens. Et au boulot. Moi, j'attendrai dans la voiture, sur la route là-bas. Ok. Je prends mon matériel et je risque le paquet. Nous sommes prêts, André. Et toi? Moi aussi. Venez, nous allons faire une balance des voix. Et puis on y va. Le micro, plus haut, Alfred. Il est dans le champ. Ce n'est rien, madame. Ce n'est qu'une cellule photoélectrique. Bon, faites pour la balance. Silence. Lancez le son. Ça tourne. Chers téléspectateurs, nous avons ce soir le grand privilège d'être reçus par la célèbre cantatrice Bianca Castafiore. Je suis comme sur des roulettes. Bon pour le son. Bien. Alors, à votre tour, madame. Quelques mots, s'il vous plaît. À mon tour, eh bien, je suis moi aussi très heureuse de... Très heureuse. Enfin, je ne sais trop comment dire. Bon pour le son. Ok, on y va. Et silence maintenant, les enfants. Lancez le son. Ça tourne. Moteur. Partez. Casta, plan 1, prise 1. Chers téléspectateurs, nous avons ce soir le grand privilège d'être reçus par la célèbre cantatrice Bianca Castafiore de la Scala de Milan, surnommée à juste titre le Rossignol Milanais. Dites-moi, chère madame, tiens, vous avez fait installer la télévision? Trois appareils à la fois? Et vous ne m'en avez rien dit? Chut! Oh mais c'est madame Castafiore, ça? Si, si, je vous assure. Ça, par exemple. Mais il faut la prévenir tout de suite. Tout de suite! Elle doit absolument voir ça, cette chère dame. Absolument. Professeur, professeur, n'entrez pas dans la salle de Marie. Ça tourne. Coupez. Sapiripopette. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries à la fin? Vous en avez assez? On annonce un mariage et je suis le dernier à l'apprendre. On achète des appareils de télévision et on ne m'en parle pas. Ici, on tourne un film et personne ne m'en dit rien. C'est une conspiration. On me cache tout dans cette maison. Mais... Et cette pauvre madame Castafiore qui passe à la télévision et que personne ne songe à avertir. C'est inimaginable. Venez, professeur, venez. Il y a un malentendu. Venez, je vais vous expliquer. Piqué ! Je suis piqué, bon, moi ! Vous reprenez à partir de la dernière question. Moteur. Partez. Et peut-on vous demander, madame, si vous avez des projets ? Oui ! Une série de récitals aux États-Unis où je passerai des mois et où je suis... Pauvres Amerlocs. Ils étaient si tranquilles avant Christophe Colomb. Et puis en Amérique du Sud, où je me produirai dans les grandes capitales. Voilà encore des régions qui vont être cruellement éprouvées. Quelles sont les œuvres que vous interpréterez là-bas au cours de cette tournée qui, je n'en doute pas, sera glorieuse? Oh, j'en suis sûre. Eh bien, comme d'habitude, des œuvres de Rossini, de Puccini, de Verdi, de Gounod, pardon, de Gounod. Ah, de Gounod. N'est-ce pas dans un opéra de Gounod que vous avez connu vos succès les plus éclatants? Oui, c'est dans le fameux Air des bijoux de Faust que j'ai obtenu des véritables triomphes. On m'a dit que j'y étais divine. Eh bien, chère madame, je suis certain que nos téléspectateurs seraient ravis de vous entendre interpréter pour eux cette œuvre. Volontiers. Alerte aux abris, elle va chanter. Allô, j'écoute. Tiens, mais ça me donne une idée. Allons, dépêchons-nous, il se fait tard. Lancez le son. Ça tourne. Moteur. Partez. Madonna! Mais ce coco qui s'est détaché de son perchoir, viens par là, toi. Ah, ce que c'est que l'intelligence des bêtes et leur sens artistique. Car enfin, il est manifeste que c'est mon chant qui l'a attiré. Hélas pour toi, coco, il faut que j'aille te rattacher. Un instant, je vous prie, et je suis à vous. Vous voilà, capitaine Ablock. Figurez-vous que Coco s'est détaché tout seul de son perchoir pour venir m'écouter de plus près. Incroyable. Et quelques minutes plus tard... Allons, allons, pressons. Vous y êtes. Silence. Moteur. Partez. Les plombs sont... Arrête. Qui a des allumettes? Ciel! Ma bijou! Attention au fil! Pierre-Pau! Ma bijou! Allez voir là-haut! Oui, madame. Ici, mon... Reste bien près de moi qu'on ne te marche pas sur une patte. Ma bijou! Ma bijou! Voilà une idée de courir ainsi dans le noir. Où allez-vous comme ça? La porte d'entrée. Ah ça, viens Milou. Allons voir. Là-bas. Quelqu'un qui s'enfuit. Mais ma parole, c'est le photographe. Trop tard pour essayer de le rattraper. Ah, voilà le courant rétabli. Qu'est-ce que c'était, Nestor? Un fusible, monsieur Tintin. C'est ça, toujours la marche. Eh bien, Irma! Faux pipi, madame, faux joujou! Vos bijoux! Au nom du ciel, parlez, ma fille! Disparue, madame! Disparue! Oh là! Vite, vite! De l'aide! Là! Allongeons-la sur le canapé! Oh, hé! Ici! Quelqu'un dans les pommes! Il faut tout de suite prévenir la police! Des sels! Elle devrait respirer des sels! Quelle histoire! Ça devait arriver! Ça devait arriver! Messieurs, je dois vous signaler que votre photographe a profité de l'obscurité pour filer à toutes jambes. Je l'ai vu. Votre photographe? Quoi, le photographe qui était ici tout à l'heure? Mais il n'était pas avec nous. Mais voyons, je croyais qu'il faisait partie de votre équipe. Et moi, au contraire, j'ai pensé que c'était un photographe convoqué par Madame Castafiore elle-même. C'est donc ce photographe qui aurait fait le coup. Bizarre, ça. Bizarre. Allô, la gendarmerie. Ici, le capitaine... Pardon ? Je dis, c'est une erreur, monsieur. Ici, c'est la boucherie sans eau, monsieur. De rien, monsieur. Allô ? C'est bien la gendarmerie de Moulinsart ? Ah, bonjour, commandant. Ici, c'est le capitaine Haddock. Pouvez-vous nous envoyer immédiatement quelqu'un ? Un vol important vient d'être commis au château. Comment, ça tombe bien ? Vous dites ? Qui, ça ? Non, ils étaient chez vous, ça par exemple. Et ils sont en route ? Ils vont arriver dans quelques instants ? Mais comment se fait-il que... Oui, bon, bien. Je les attends. Au revoir, commandant. Ça, par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquaient à la gendarmerie de Moulinsart, ces bougres d'Ostrogo ? Ah, vous voilà, Moussaillon. Eh bien, je vous laisse deviner de qui nous allons recevoir la visite. Une visite, disiez-vous ? Les Dupont, je parie. Vous avez gagné ! Mes pauvres, pauvres amis. Que vous est-il arrivé ? Je dois avoir freiné un tout petit peu trop tard. Je dirais même plus, tu dois avoir traîné un tout petit peu trop fort. Vous n'êtes pas blessé au moins ? Non, non, rien. Ne parlons plus de ça. Si vous nous voyez ici, c'est que nous avons été chargés d'une mission. Veiller à la sécurité de Madame Castafiore, qui est votre invitée, paraît-il, et de ses bijoux. Ah ? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas fait votre service militaire au carabinier d'Offenbach ? Tiens, bonsoir, capitaine. Au carabinier ? Non, au génie. Pourquoi ? Le capitaine veut dire que vous arrivez trop tard. On vient précisément de voler les bijoux de Madame Castafiore. Non ! Qui ? Ça, messieurs, c'est ce que l'enquête devra établir. Mais entrez donc. Nous allons vous expliquer ce qui s'est passé. C'était Les bijoux de la Castafiore, d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Claude Mathieu, Madame Boulu, Thierry Ancis, le Capitaine Haddock, Sylvia Berger, la Castafiore, Alain Langlais, Nestor, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Alexandre Pavlov, Wagner, Jérôme Pouli, le président de la fanfare, Julie Sicard, Irma, Serge Bagdasarian, Dupont, Christian Heck, Dupont, Nicolas Lormeau, Séraphin Lampion, Gilles David, Monsieur Boulu, Adeline Dermy, Miarka, Didier Sandre, le narrateur, Nazim Boudjena, Matteo, Noam Morgenstern, Tintin, Gaël Camilindi, Luigi, Johan Gazurowski, le présentateur, et les élèves comédiens des promotions 2016 à 2019, Aude Rouanet, Robin Goupil, Axel Mandron, Tristan Cotin, Pauline Chabrol, Noémie Pasteger, Olivier Lugo et Pierre Ostoyamanien, avec Marina Kapp dans le rôle de Milou. Piano, Louis Remond. Bruitage, Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Émilie Couette. Prise de son musical, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.